gueule. Oh yeah. Les enfants viendront demander leur dû. Les enfants viendront vous casser la gueule. You want the new tempo? It's okay. To casse la gueule. Dans un monde où tant de... Il est accordé, Coco, toi? C'est moi qui suis pas accordé. Non mais il faut qu'ils s'accordent, je crois. Ah ben ça y est, on est parti quoi. Français qui chante en anglais quoi. Merde, j'ai cru que t'étais pas français. Bien joué. un do, un la, un fa, un sol. Quand on est parti, Jim, à l'éther. Jimmy boit du gin dans sa Chrysler. Les lacets, le boulevard de la mer est con. Comme elle est partie, attention, Jimmy tourne en rond. Hier soir encore, son héroïne le seul fois en disant Jimmy s'éveille dans l'air idéal. paradis clair d'une chambre d'hôpital. L'infirmière est un ange et ses yeux sont verts. Et Coco, comme elle lui sourit, attention, Coco veut lui plaire. Allez Coco, Coco t'es fort à Marseille, sur le cuir de ta cristal. Mais tu sais, moi aussi j'ai vécu à Marseille et j'aimais bien. Bel homme Alain Souchon. T'as même pas l'accent, quoi. Au fâché de com. Oh, fraillou. Viens pas me chercher la merde. Au fâché de com. Bon, mais puisque vous aimez. Viens pas me chercher le caca. Mais tu viens d'où? Mais cherche pas. Cabanophone du jardin, j'y vais car j'en ai besoin. C'est un chemin plein de cailloux. Te moque pas de mon accent. Je pourrais bien de prendre un prunion entre les deux yeux, les deux yeux. Mais tu viens d'où? Tu veux quoi? Je cherche pas Michel entre plaques et agglomérés. De l'Auvergne. bien le sud, puisque j'ai la famille du côté de Salon de Provence. Miramas, Salon de Provence. Bon allez, on s'en fait un, normal. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Un police. Every breath you take. Thank you. Every move you make, every rule you break, every smile you take, every time you say, I'll be watching you. Allez, tous en cœur. Oh, oh, oh, oh. Tu fais ça en danser. Coco, Coco Mike. Attends, je vais mettre mon petit effet, j'aime bien. Même si c'est un peu casse-couille. Allez, dans la famille de police, tu fais un si, un sol, un la, un mi. Message pour vous que je vais jeter dans la, je vais jeter à la mer, mais malheureusement la mer est un peu loin pour moi, donc Coco, je te confie cette mission. Tu prends une bouteille, tu mets un message dans la bouteille et tu la jettes à la mer. Just a cast away, and this time lost at sea, another lonely day, no one. Thank you. celle-là, je vais pas la faire. J'avais appris sur la guitare, mais... Je passe à la Star Academy, mon gars. Tout fier, tout beau, tout bronzé, mon gars. Je passe à la Star Academy, mon gars. Les gens me soutiennent. Philosophie, les gens m'acclament. J'ai fait un gros caca. Je suis une Johnny, star du Johnny. De la chanson. Je suis une star. Que vous le vouliez. Et non, Johnny là, il s'est lâché là. Il s'est lâché là. Il casse tout le monde. Et vous n'avez pas regardé The Voice? This is The Voice! Bon, il y a Johnny Hallyday qui attend dans la loge là, et il faut savoir, il ne sait pas s'il faut reboire un whisky ou s'il doit rentrer sur scène. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, Mike, achète-toi un micro, on va déconner comme ça. Mon anniversaire, c'est ouvert. Allez, un Do. Un Do, un Ré mineur, un Sol, un Do. Allez, Coco, on y va à... Attention. Coco. Et ça force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes sous des lumières bizarres, à force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger. De crier mon amour jusqu'aux cieux. Oh. projecteur, comme une croix dans le dos. J'ai oublié de rire. J'ai oublié de vivre. Oh, que ce Johnny Hallyday. J'ai fait un livre, j'ai cassé tout le monde. Tout le monde. Même mon photographe. Que joli à l'idée. Je chante non. Les cœurs, mon gars. Et tant de monde ne suit pas. Tant de fois qu'on dit, je ne dirai pas. Dédicacé à tous les musiciens qui rappent. Coco. Elle est partie en pleurant. Elle m'a dit que c'est mon chemin. Tu ne fais pas partie de ma famille. Alors même si tu prenais tout et que tu lâchais tout, je crois que mon père ne t'accepterait jamais. Mike, je reconnais. Yes, Santa Esmeralda. Sol, Ré, Mi, Do. Sol, Ré, Mi, Do. Putain, j'arrive pas à trouver du reggae. Vous entendez la batterie là? Faut rester dans la joie. Vous entendez la batterie? Dans la joie, mon gars. J'entends la batterie taper en rythmique. C'est dur avec cette télé là. C'était dans la joie, manger des noix, et des préoccupations, tu passions pour moi. Plus qu'une passion. Essaye de lui remonter la banane. La banane. La banane. La banane. La banane. La banane. La banane. La banane. La banane.